Chapitre 38. Espace profond, la nébuleuse de cœur. Cassav regardait l'écran d'affichage du champ de bataille le front plissé. Quasiment à l'instant où il avait ordonné à sa tempête de passer à l'offensive, les croiseurs de la République avaient vomi un flot incessant de ces chasseurs en forme de pointe, les Skywing, accompagnés d'un bon nombre de leurs vaisseaux phares, les Longbeam. Ces troupes ripostaient et rendaient coup pour coup dans les escarmouches, mais les gros canons du croiseur lourd de la République et de ses 5 plus petits compagnons se déchaînaient et presque chacun de leurs tirs touchait une nef de nuages. Les boucliers du New Elite et de certains des plus gros vaisseaux des Nihil pouvaient encaisser ces décharges, pour un certain temps en tout cas. Mais les nefs de nuages, elles n'avaient aucune chance. Elles disparaissaient dans une nuée de flammes et de duracier pulvérisés chaque fois qu'un tir faisait mouche. Ils avaient encore l'avantage du nombre, mais cela ne durerait pas. Surtout que les vaisseaux d'Eriadou se rapprochaient à chaque seconde, menaçants, implacables. Soit ces Nihil parvenaient à créer une brèche dans la flotte de la République et à atteindre la zone d'accès à l'hypervoie, soit ils allaient tous mourir sur place. Il y avait un autre vaisseau également, le croiseur Jedi. Jusqu'ici, il n'avait rien fait, mais tout portait à croire qu'il était venu avec quelques-uns de ses Vectors à bord. C'était la dernière chose dont il avait besoin. « Toujours pas de nouvelles de l'œil ?» demanda-t-il d'une voix forte. « Pas encore, boss !» répondit Trempette. Cassav ne s'était attendu à rien. Il était quasi certain qu'aucune solution de secours n'allait être transférée comme par magie dans leur réacteur à sentier. S'il voulait avoir une petite chance de revoir Mark Yonro et d'enfoncer sa lame dans l'œil de ce salopard arrogant, il allait devoir se débrouiller par lui-même. Il scruta l'écran tactique, s'efforçant de déterminer quel ordre donner. La République était en train de massacrer ses troupes. Les attaques coordonnées et disciplinées se révélaient incroyablement efficaces face à sa tempête, où chaque pilote était son propre maître et se battait comme il en avait foutrement envie. La plupart de ces Nihil étaient engagés dans des combats rapprochés, chacun s'efforçant d'abattre un vaisseau de la République, de se créer une légende, d'avoir une bonne anecdote à raconter à leur retour au Grand Hall. Mais face à des militaires aguerris, ils n'avaient aucune... « C'est ça !» pensa-t-il. Il ouvrit un canal com à l'attention de toute la flotte. « Mes chers Nihil, c'est votre maître Tempête qui vous parle. Vous êtes en train de donner une sacrée leçon à ces abrutis de la République. Je suis impressionné. Mais je veux qu'ils repartent de cette bataille en sachant qu'il vaut mieux ne plus se frotter à nous désormais. Arrêtez de vous battre selon leurs règles. Ils ne retiendraient rien à la leçon. Battez-vous à la manière des Nihil. Battez-vous libre. Battez-vous à la déloyale. » Il sourit. « Montrez-leur qui nous sommes. C'est un ordre. » Il fallut quelques instants pour que la consigne fasse son chemin, puis l'un des plus gros vaisseaux, un ex-cargo à peine plus petit que le New Elite, ouvrit les portes de sa soute. Il alluma ses moteurs et quelque chose se déversa à l'extérieur, propulsé par l'effet d'inertie. Une substance grisâtre et gélatineuse. Cassav se rappela que ce vaisseau avait été volé. De toute évidence, les nouveaux propriétaires Nihil n'avaient jamais vidé les conteneurs de fret, et de toute évidence, l'appareil devait être spécialisé dans le transport de déchets. La bouillasse se déversa en un flot toxique, recouvrant les chasseurs de la République qui poursuivaient le cargo. Deux Skywing partirent en vrille et se percutèrent, provoquant une explosion qui embrasa tout le chargement. Les flammes s'étendirent rapidement en une vague meurtrière, engloutissant chaque vaisseau républicain qui avait été recouvert par la substance. Tous explosèrent les uns après les autres, dans une réaction en chaîne qui était l'une des plus belles choses que Cassa avait vues. Voilà qui n'était pas très loyal, en effet. Les autres Nihil, ayant assisté à la scène, avaient parfaitement reçu le message et cessèrent aussitôt de se battre de front ou en duel rapproché. Kassav vit même l'un de ses vaisseaux se poser sur l'un des plus gros appareils de la République, puis allumer ses moteurs au maximum pour envoyer une belle flambée sur la baie d'observation principale. Il vit un autre équipage utiliser la technique du harpon qui avait si bien fonctionné à Abdalis pour déchiqueter l'un des 5 croiseurs. Il n'y avait pas que des choses réjouissantes, cependant. L'un de ses plus gros appareils, une corvette légère, était pilonné par un escadron de longue beam. Ses moteurs brûlèrent une dernière fois, puis le vaisseau se mit à dériver. « Bon, eh bien c'est comme ça », pensa Kassav. « Blast ! Ce vaisseau m'aurait pourtant été bien utile par la suite. » Plusieurs capsules de sauvetage abandonnèrent la corvette en détresse, et les longbeams interrompirent aussitôt leur attaque pour les récupérer à l'aide d'une sorte de mécanisme à base de pinces magnétiques. Ils les entraînèrent ensuite jusqu'au croiseur républicain le plus proche, pénétrant dans ses hangars en tirant les capsules derrière eux. Kassav s'inquiéta un instant de ce que les prisonniers risquaient de révéler à la République à propos des Nihils et de leurs opérations, puis réalisa que ça n'avait finalement pas d'importance. La situation ne pouvait pas tellement être pire. Soudain, le croiseur républicain implosa, et la détonation fut si massive que le souffle emporta un certain nombre de petits vaisseaux situés à proximité. Au même moment, les moteurs de la corvette Nihil, celle que Kassav avait cru perdue, se mirent à flamboyer de nouveau, et le vaisseau fit volte-face, ses canons arrosant un groupe proche de Skywing. Kassav prit conscience de ce qui venait de se passer. Les capsules de sauvetage ne contenaient personne à bord. Elles étaient pleines d'explosifs. Et dire que ces idiots de la République avaient voulu se la jouer altruiste en essayant de les secourir juste parce que... « Eh !» marmonna-t-il en souriant. « Nous sommes tous la République. » Il pressa le bouton de la com. « C'est ça !» s'écria-t-il. « Trouvez-leur la peau. Je vous suis à 100%. » Il coupa le système com et porta la main à sa bouche pour se mâchonner le bout du pouce. Un tic nerveux. Mais réalisa qu'il n'avait plus de pouce à cette main. « Des nouvelles de Mark Yonro ?» lança-t-il à Trempette. En guise de réponse, le Gungan se contenta de secouer la tête, ses longues oreilles dodelinant autour de son crâne. Ce n'était pas comme s'il espérait quoi que ce soit. C'était Kassav contre le reste de la galaxie. Comme toujours. L'amiral Kronara n'en croyait pas ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce qu'une bande de criminels se batte avec quoi que ce soit qui s'apparenterait à de l'honneur, mais ça, c'était méprisable. L'un des plus gros vaisseaux Nihil venait de libérer une gigantesque quantité de produits résiduaires de réacteurs. Cela avait créé une traînée de radiation invisible, extrêmement toxique, qui non seulement brouillait les senseurs, mais empoisonnait les pilotes qui avaient le malheur de voler à travers. Ils étaient condamnés à une agonie lente et douloureuse, à moins de se rendre immédiatement aux bâtiments médicaux. Ça va aussi toucher certains de leurs propres vaisseaux, pensa-t-il. Forcément, ils assassinent leurs propres troupes. Les Nihil n'en avaient visiblement rien à faire. Ni de ça, ni de rien d'autre. Leur seul but était de causer le plus de dégâts possible. Cette stratégie fonctionnait. Kronara avait déjà perdu 2 de ses croiseurs de patrouille de classe pacificateur, le Marillion d'Alderan et le Yekabird de Corellia avec l'ensemble de leur équipage, ainsi qu'un bon nombre des vaisseaux d'assaut Longbeam et des chasseurs Skywing. Il ne disait pas que les Nihil étaient en train de gagner. Leur tactique mettait le paquet sur l'offensive, rien sur la défensive et ils prenaient des coups. Leur nombre décroissait peu à peu, mais ils ne perdaient pas non plus. Il fallait que ça cesse, et vite. Il était temps de passer au niveau supérieur. Vérifiant à nouveau les écrans, l'amiral Kronara repéra l'emplacement de la petite flottille d'Eriadou qui s'approchait inexorablement du champ de bataille. « Pas encore assez proche », pensa-t-il. « Passez-moi la Taraxia », demanda-t-il à son officier des communications. La voix de Maître Jorah Mali s'éleva quelques instants plus tard du système COM. « Amiral, que puis-je faire pour vous ?»« Les Nihil se servent de tactiques peu orthodoxes et autres coups bas abjects. Nous pouvons les vaincre, mais les pilotes de la CDR ne sont pas formés à ce genre de choses. Ça risque de prendre du temps et nous coûter beaucoup de vies. Si vous et vos troupes étiez... La Jedi accepta avant qu'il ne termine sa phrase. Nous allons voir ce que nous pouvons faire, amiral. La force offre un sacré avantage au combat. Nous vous en sommes reconnaissants. Bien sûr, répondit-elle. Puis elle coupa la transmission. Jorah Mali rejoignit le hangar principal de l'Ataraxia à grands pas, Skeer à ses côtés. Elle porta un comlink à ses lèvres. « Avar, on va sortir l'escadron de Vector. Les pilotes de la République ont besoin de notre aide pour neutraliser les Nihil avant que les choses n'empirent là-dehors. Est-ce que tu peux créer un réseau entre nous pour nous faciliter la tâche ?»« Oui, je peux, » répondit Avar Kriss. « J'arrive déjà à entendre le chant. » Jorah savait qu'Avar se représentait la force sous forme de musique. Elle ne la voyait pas de cette façon. Pour elle, la force était une force. Mais on ne pouvait nier l'efficacité de ce que Maître Kriss était capable de faire. Tout autour d'elle, des Jedi couraient vers les Vectors en attente. L'équipage non-Jedi de l'Ataraxia s'activait à faire le plein et à préparer les frêles vaisseaux au décollage. Elle vit Elzarman et son ami Stellan Gios, Nibasek et son padawan Wookie Buryaga, l'Itorien Mikkel Soutmani qui avait participé à la tragique mission au cours de laquelle l'Ordre avait perdu Théami, tous de très bons pilotes. Il fallait qu'il le soit. Elle avait analysé les données tactiques de la bataille et les vaisseaux Nihil semblaient déterminés à blesser ou détruire leurs ennemis. « Prêt, mon vieil ami ?» demanda-t-elle à Skeer alors qu'ils approchaient de leur propre Vector. « Tu devrais être sur le flambeau stellaire, » siffla le Jedi Trandoshan. « En train de gérer les demandes d'approvisionnement et les novices récalcitrants, pas de diriger un assaut contre une bande de pirates. Laisse-moi y aller seul. Ce n'est absolument pas nécessaire que tu sortes. On peut mourir dans son lit aussi simplement que sur un champ de bataille, Skeer, » dit-elle en grimpant dans le cockpit de son vaisseau. Voilà qui est totalement faux, rétorqua Skeer en plaçant un masque à oxygène sur son large museau et en s'installant dans son siège de pilote. Et si, tout simplement, on se mettait d'accord tous les deux pour ne pas mourir? « Ça marche !» lança-t-elle tandis que la verrière se refermait. Jorah sortit son sabre laser, un cylindre doré orné de deux quillons incurvés en platine redescendant vers la poignée comme des ailes, et le plaça sur la console de son Vector contre le panneau d'activation des armes. Le système de ciblage s'illumina d'un blanc vif, la couleur de sa lame. Elle avait retiré le cristal Kyber, alors rouge sang, d'une antique lance laser Sith, et l'avait soigné en le purifiant de toute la rage et de la souffrance qui avait instillé son propriétaire d'origine. Elle avait effectué le rituel dans le simple but de s'exercer, pour voir comment cela fonctionnait, mais une fois le processus terminé, elle s'était retrouvée étroitement liée au cristal et s'en servait à présent comme noyau pour son arme principale. Elle poussa à fond les leviers de commande et fusa hors du hangar en direction de l'espace. Tout autour d'elle, des Vectors se matérialisèrent, sortis à sa suite des entrailles de l'Ataraxia. « Avec moi, Jedi !» déclara Jorah Mali. Et les vaisseaux l'encerclèrent, créant la formation serrée dont seuls les Jedi étaient capables. C'était une dérive parfaitement disposée, et la seule chose qui surpassait le plaisir d'en voir une était d'y participer. La bataille faisait rage au loin, et ils s'apprêtaient à en inverser le cours. Les vaisseaux des Riadou avançaient lentement mais sûrement et se trouvaient à présent à portée de vue, ce qui signifiait qu'ils étaient également à portée de tir, mais ils n'avaient pas encore ouvert le feu. Kassav pensait savoir pourquoi. Les chasseurs aiment terrifier leur proie avant de la tuer. Les combats, c'était une chose, mais cette attente, c'était insoutenable. Les vaisseaux étaient tous longs et fins comme des lames. On aurait dit des épées dressées sur le fil qui se dirigeaient droit sur lui. « Réaffecte un tiers de nos vaisseaux aux croiseurs des Riadou !» cria-t-il à Trompette. « Il faut qu'ils disparaissent !»« Bien reçu, boss !» Trompe avait l'air dubitatif. Rien de surprenant. Cassav l'était aussi. Ils avaient abattu une part non négligeable de Longbeam et de Skywing, mais les Jedi avaient fini par rejoindre les combats en envoyant leur petit vecteur de malheur. Mais peu importe. Les Jedi aussi pouvaient mourir, comme n'importe qui d'autre. Personne n'avait jamais dit qu'ils étaient immortels. Toutefois, les Nihil arrivaient à court de coups fourrés, et la République commençait à se faire plus futée, laissant les gros canons de leurs croiseurs faire la majorité du travail. Il était temps de partir. Ce dont Cassav avait vraiment besoin, c'était d'un sentier, mais les chances pour ça étaient... Cassav ! C'était Trempette avec dans la voix un petit quelque chose de nouveau. De l'espoir. J'ai Markion Rowe en ligne ! S'exclama-t-il. Passe-le-moi ! Cria Cassav. Canal privé ! La voix de l'œil résonna dans le masque du maître Tempête. Salut, Cassav. Tu es tombé sur un os, on dirait. Je crois que tu es parfaitement au courant, pensa le Wiki. Ouais. La force opérationnelle de la République, un groupe Jedi et même quelques vaisseaux venant d'Eriadou. Comme une sorte d'embuscade. Je sais que tu veux te débarrasser de cet enregistreur de données de vol, mais on aurait vraiment besoin d'un sentier pour nous tirer de là. On morfle salement, Markion. C'est toute ma Tempête qui est en danger. Il ne devait y avoir que quelques transports, répondit Markion Rowe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais te donner un sentier. Continue de te battre en attendant. Je vais dire quelque chose à ta Tempête aussi, au nom de l'œil. D'accord, super, mais dans combien de temps tu crois que tu pourras m'envoyer un sentier? Parce que... La communication fut coupée. Cassav aurait voulu pouvoir courir le long de la ligne de transmission, non pas pour s'échapper, mais dans le seul but de rejoindre Markion Rowe et de l'assassiner de la façon la plus sauvage qui soit. Trempette prit à nouveau la parole. Une nouvelle transmission de la part de l'œil? Tous les vaisseaux la reçoivent? Mets-la en ligne, dit Cassav. Le rec punk qui beuglait toujours dans les haut-parleurs de la passerelle baissa automatiquement de volume, tandis que la voix de Markion Rowe résonnait à travers le New Elite et les autres vaisseaux de la flotte des Nihil. Je suis l'œil des Nihil, et je vois les combats que vous menez. Je vois la République qui essaie de vous prendre votre liberté, de vous dérober vos crédits durement gagnés, d'interdire votre mode de vie. C'est votre mort qu'elle veut. Juste parce que vous respirez, que vous existez, que vous empruntez des voies qu'ils ne possèdent pas. Qui sont-ils pour nous dire comment vivre? Qui sont-ils pour venir sur notre territoire et essayer de nous tuer? La République? Les Jedi? Qu'est-ce qui leur en donne le droit? Cassav embrassa la passerelle du regard. Delex, Gravan, Trempette et tous les autres... Ils avaient tous interrompu leurs activités et écoutaient, figés, sans rien faire d'autre que boire les paroles de Markion Rowe. Il eut soudain un mauvais pressentiment. Un très mauvais pressentiment. Je ne laisserai pas cela arriver, poursuivit Markion Rowe. J'ai une responsabilité vis-à-vis des Nihil et de la liberté en laquelle nous croyons tous si profondément. Je suis l'œil. Et je vous fournirai ce dont vous avez besoin pour vaincre nos ennemis. Voici les sentiers de guerre, mes amis. Et avec eux... Il marqua un temps d'arrêt, retint son souffle, et Cassav sentit que chacun de ses hommes était suspendu aux lèvres de Markion, impatient d'entendre la suite. Vous ne pouvez pas perdre. Le New Elite se mit à ronronner, toutes ses surfaces vibrant avec une nouvelle énergie très étrange, jusque dans ses entrailles. Delex cria, les yeux fixés sur ses écrans. « Cassav, le réacteur a sentier. Il se passe quelque chose !» Skeer volait au cœur de la dérive. Son lien avec tous les Jedi autour de lui, renforcé par ce qu'Avar Kriss faisait, quoi que ce soit, depuis l'Ataraxia. Et son lien le plus fort de tous était avec Jorah Mali. Son vaisseau se trouvait juste à sa droite, si proche que le bout de leurs ailes se touchait presque. Les vecteurs n'avaient pas encore engagé le combat. Les Nihil étaient toujours un peu plus loin, empêtrés dans diverses escarmouches avec des longbeams et des skywings. Il percevait de l'impatience tout autour de lui, tandis que les Jedi se préparaient à l'épreuve du combat. Son propre cockpit était nimbé d'une lumière verte, couleur de la lame de son sabre laser. Tout était prêt. Il allait défendre, il allait protéger, il allait faire justice. Il était un Jedi et il... Quelque chose se passa. Les vaisseaux des Nihil bougèrent, se décalèrent. Tous, à un moment, étaient à un endroit avant de se trouver à un autre. Ils ne s'étaient pas déplacés d'un même mouvement, mais par à-coups et soubresauts séparés, disparaissant et réapparaissant à des distances variées de leur point de départ. Cela se reproduisit, et il n'y avait pas de raison apparente à cela, ni de point commun. Les Nihil se volatilisaient simplement à un endroit et... Il eut la perception fugace de quelque chose d'énorme, de solide, de trop près pour être évité, apparaissant en plein milieu de la dérive, suivi d'un impact si gigantesque qu'il eut toutes les peines à en prendre la mesure. Il y eut un immense éclair de lumière et sa connexion avec beaucoup des Jedi qui l'entouraient disparut. Puis quelque chose percuta la verrière de son cockpit, la transperça, et des morceaux acérés de métal s'enfoncèrent dans son épaule, lui traversèrent le corps et son siège de pilote, lui tranchant le bras au niveau de l'articulation. À travers le choc, Skeer crut comprendre ce qui s'était passé. Mystérieusement, les Nihil étaient parvenus à passer en hyperespace, puis en étaient ressortis directement au milieu de la dérive, et la collision qui avait suivi avait causé une onde de choc charriant chaos et destruction. Skeer poussa un cri. Pas tant à cause de la douleur ou de la perte de son bras, c'était un Trandoshan, aussi son bras finirait-il par repousser, mais à cause de quelque chose de bien pire. Parmi les Jedi dont il ne sentait plus la présence, il y avait Jorah Mali.